4000 lettres, 300 destinataires et des milliers d'heures d'écriture constituent aujourd'hui l'incroyable correspondance de Gustave Flaubert. Selon à qui il écrit, on le découvre amoureux, agacé, déprimé et toujours obsédé par la seule chose qui le tient en vie et à laquelle il a tout sacrifié, l'art, et plus précisément l'écriture. Flaubert est un forçat de l'absolu et sa correspondance nous délivre un secret extraordinaire, comment, au fil des ans, il est devenu l'écrivain que nous connaissons. La correspondance, c'est toujours une effraction dans ce qu'on suppose être la vie privée ou la face cachée d'une activité publique. On croit qu'on voit les écrivains, enfin, sans surveillance. Hein. Flaubert, dans la première partie de son existence, avait l'oreille beaucoup plus exercée. Les phrases de la Tentation de Saint-Antoine, qui est sa première œuvre, sont beaucoup meilleures et indiquent une oreille beaucoup plus fine que celle de Salambeau. La vérité de Flaubert se joue sur la vérité en soi. En principe, si on atteint la vérité de Flaubert, on atteint d'une manière un peu voilée, mais réelle quand même, et bien précise, l'ensemble du monde de 1850. Le 3 octobre 1846, Flaubert écrit « Les trois plus belles choses que Dieu a faites sont la mer, sans eux, Hamlet et le donjon de Mozart que nous sommes en train d'écouter. » Bonjour à vous Pierre-Marc de Biasi. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin pour commencer cette série d'émissions autour de la correspondance de Flaubert. Et je vous envie un peu, je dois dire, parce que vous passez votre vie avec Flaubert et ses manuscrits. Enfin, une bonne partie de ma vie. Bah oui. Et vous êtes en train de travailler sur une nouvelle édition des correspondances de Flaubert, c'est ça? Oui, pour le livre de poche qui sera consacré à toutes les lettres de travail, les lettres de réflexion que Flaubert nous a donné sur le sens même de son art totalisant, hein, pour lequel il a consacré à peu près tout le temps de sa vie, quoi. Et c'est une correspondance, particulièrement avec Louis Collet, qui nous permet de lire au fond l'œuvre autrement. Je pense que si on n'avait pas la correspondance de Flaubert, Flaubert ne serait pas aujourd'hui le très grand écrivain qu'il est devenu, c'est-à-dire le père du roman moderne. C'est ça. Et ouais. En plus, il nous donne les clés. C'est ça qui est vraiment fascinant quand on lit cette correspondance, parce qu'on, quand on a Madame Bovary, l'éducation sentimentale qu'on a pu lire ou dont on a entendu parler, c'est une chose. Mais savoir comment l'écrivain qu'était Flaubert est parvenu à ce résultat, c'est presque un fantasme. On aimerait savoir comment Vinci a peint ses tableaux. Oui, on sait comment sûr. Flaubert a écrit ses bien romans. Bien sûr. Et on voit à quel point l'invention du téléphone est dramatique. Ah, c'est vrai qu'on gardera pas. On a sans doute eu d'autres révélations au XXe siècle, mais ça sera fini à cause du téléphone. Non, avec Flaubert, ce qu'il y a d'extraordinaire, et notamment dans les lettres à Louise Collet, c'est qu'on assiste même à la fabrication de l'écrivain par lui-même, qui découvre les difficultés de ce qu'il est en train d'essayer d'imaginer, de vouloir, c'est-à-dire une nouvelle forme romanesque, et pour laquelle il est en train de travailler contre lui-même en inventant de nouvelles normes. C'est ça, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Effectivement, on va parler des lettres à Louis Collet, on parlera demain des lettres à Georges Sand, et plus tard dans la semaine, des lettres à sa famille. Et voilà, les destinataires sont très nombreux. Avec Louis Collet, c'est le début de la correspondance. C'est d'abord une histoire d'amour qui va devenir une sorte de complicité intellectuelle, en tout cas de la part de Flaubert. Et Flaubert nous livre dans ses lettres vraiment sa conception esthétique, sa conception de l'art, et on voit comment il est devenu écrivain. On peut peut-être même dater ça, Pierre-Marc de Biasi. En janvier 1844, Flaubert a fait l'objet d'une ce qu'on peut appeler, je sais pas, une crise de nerfs ou une crise d'épilepsie qui va changer sa vie. Oui, on a appelé ça l'épilepsie, c'est probablement un petit peu autre chose, mais en tout cas, il tombe mort Il fait l'expérience d'une espèce de coma de quelques minutes dans lequel il va ensuite se trouver pour plusieurs années en très grande difficulté nerveuse. Et d'une certaine façon, comme le dit Sartre, ça lui sert d'alibi auprès de ses parents pour balancer tout ce qu'on lui avait proposé, devenir médecin, devenir avocat, etc. Enfin, bon bah, il faisait droit, des quoi. Études. Hein, voilà, bien sûr. Il a commencé des études de droit. Mais là, après cette maladie, il peut se consacrer enfin à la seule chose à laquelle il rêve depuis l'enfance, depuis l'âge de 10 ans. Hein. Vous rappelez que la première lettre de Flaubert, la correspondance, il a 10 ans, et il dit à un copain, tu sais, on va faire des drames et des romans ensemble, etc. Voilà. Et il y a des dames qui viennent voir papa, son père est chirurgien, et qui disent des bêtises, et plus tard, je les raconterai. C'est absolument génial, 10 ans. Alors, en 44, il se trouve donc frappé d'une sorte de à la fois de mal et de la possibilité de rejoindre son destin, c'est-à-dire devenir véritablement écrivain, qui n'était pas un métier aux yeux évidemment de ses parents bourgeois. Et c'est au fond les étapes de ce destin qu'on peut suivre avec les lettres à Louis Scollet, parce que il rencontre Louise. Très jeune, il a 25 ans. Elle, c'est pas une cougar, mais enfin, elle a quand même 10 ans de plus, hein, et elle est très belle. Et qui est Louise Scollet à l'époque? Ben, Louise Scollet, c'est une femme de lettres déjà connue au moment où Flaubert la rencontre. Il la rencontre dans un des lieux de drague parisiens les plus chics de l'époque, qui est l'atelier de James Pradier, sculpteur. C'est là aussi que Hugo a rencontré Juliette, etc. C'est vraiment, on y trouve des modèles. Les modèles, ça peut être des filles totalement semi-mondaines, etc. Ça peut être des femmes du show business de l'époque, quoi. Des artistes, des comédiennes, des écrivaines, des poétesses. Et c'est le cas pour Louise, qui est déjà connue. Elle a eu des prix de l'Académie. Elle est lancée, quoi. Et elle a 35 ans. Elle est née 10 ans, 11 ans avant Gustave. Mm-hmm. Elle le trouve sublime parce qu'il était réellement sublime. C'est un grand garçon d'1m80 avec des cheveux longs, blonds, des yeux bleus, mince, comme on l'imagine. On a très peu d'images de lui. On a un portrait, je crois. On a un portrait dessiné, puis on n'a pas de photos de cette époque-là. Mais tout le monde le dit. Et, enfin, même cette espèce de punaise du camp qui. C'est son meilleur ami quand même. Son meilleur ami, mais enfin, qui en a dit beaucoup de vilaines choses. Avoue que là, il était quand même bluffant de beauté. Et Louise Scollet tombe amoureuse de lui. Et lui, je pense, elle était très belle. Hein. Elle était vraiment très belle. Tombe amoureux aussitôt. Et c'est un feu de passion immédiat. Ouais. Et le problème pour Flaubert, c'est qu'il se rend bien compte. Donc on est en 46 hein, quand il rencontre Louise Scollet. C'est que s'il donne une chance à cet amour, il risque de tourner le dos à son but dans l'existence, à savoir devenir écrivain. Le dilemme naît d'emblée. Oui, et je crois qu'il faut d'ailleurs dire que cette correspondance avec Louise Scollet, qui est probablement quand même le moment crucial de la correspondance, a lieu en deux étapes. C'est-à-dire qu'il se rend compte en 46, il tombe complètement amoureux, mais très vite, ils vont parler de tout un tas d'autres choses. Et puis, en 47, ça va plus. Il se fâche, il se sépare. En 48, c'est la révolution. En 49, Flaubert s'en va en Orient. Il ne revient qu'en 51 de son grand voyage en Orient. Et c'est en 51 qu'il renoue petit à petit avec Louise. Et ils vont redevenir amoureux et se fréquenter beaucoup. Enfin, autant que Flaubert le permettra. C'est-à-dire très peu quand même. C'est-à-dire quand même très peu matériellement, mais ouais. Beaucoup dans les échanges quand même. Hein, c'est pour ça, en fait, les belles correspondances naissent de la distance. Bah oui, si les gens se voient, ils ne s'écrivent pas. C'est vrai, mais du coup, on a cette chance. C'est que se voyant peu, ils s'écrivent beaucoup et ils travaillent aussi beaucoup ensemble quand même par lettres interposées et jusqu'en 54. C'est-à-dire qu'on est... Par rapport à la carrière de Flaubert, vous voyez, il est tout à fait inconnu quand il rencontre Louise. Il va, après son voyage en Orient, donc plus tard, se lancer dans la rédaction du premier roman moderne tel qu'il l'imagine Madame Bovary, en 51. Et en 54, on est au milieu du guet. Hein, il aura fini Bovary en 57. Et pour les trois premières années d'écriture entre 51 et 54 de Madame Bovary, on a presque jour par jour une sorte de journal de cette création. Oui, c'est bien que c'est pas. On se demande si c'est Louise qui l'intéresse ou le rapport qu'il entretient avec lui-même au fond dans cette correspondance. Elle lui sert à cela, mais alors là, c'est un mystère quand même tout à fait intéressant qui est, je pense, le mystère de l'amour, parce que elle sera la seule dans toute la correspondance à lui permettre de se parler à lui-même dans les lettres qu'il lui adresse. C'est une chose. Elle lui sert d'analyse, quoi, d'une certaine façon. Ah oui. Ah, moi, je crois vraiment que quand... Vous savez, il écrit ses lettres la nuit, vers 3 heures du mat. Il a travaillé comme un fou toute la journée. Et quand il fait sa lettre à Louise pour lui dire ce qu'il a fait, pour lui dire qu'il l'aime, pour lui... Tout ça, il y a un moment où Louise est son destinataire, bien sûr, mais où il se met à se parler à lui-même à travers elle, quoi. Et c'est comme ça qu'on a une véritable réflexion, une sorte de métadiscours sur son travail. Alors on commence avec une lettre d'amour quand même, avant d'arriver aux lettres qui sont plus théoriques, disons, sur l'art, qui sont tout aussi passionnantes. Nous sommes le 8 août 1846, c'est la troisième lettre que Flaubert adresse à Louise Collet. Écoutez comment, dès les premières déclarations d'amour, se trouve déjà en germe explicite, la fin annoncée de leur relation. Samedi 8 août 1846, je suis brisé, étourdi. Comme après une longue orgie. Je m'ennuie à mourir. J'ai un vide inouï dans le cœur. Moi, si calme naguère, si fier de ma sérénité, et qui travaillais du matin au soir avec une âpreté soutenue, je ne puis ni lire, ni penser, ni écrire. Ton amour m'a rendu triste. Je vois que tu souffres. Je prévois que je te ferai souffrir. Je voudrais ne jamais t'avoir connu, pour toi, pour moi ensuite. Et cependant, ta pensée m'attire sans relâche. J'y trouve une douceur exquise. Ah, qu'il eût mieux valu en rester à notre première promenade. Je me doutais de tout cela. Oui, je te désire et je pense à toi. Je t'aime plus que je ne t'aimais à Paris. Je ne puis plus rien faire. Toujours je te revois dans l'atelier, debout près de ton buste, les papillotes remuantes sur tes épaules blanches, ta robe bleue. Ton bras, ton visage, que sais-je, tout. Tiens, maintenant, la force me circule dans le sang. Il me semble que tu es là, je suis en feu, mes nerfs vibrent. Tu sais comment? Tu sais quelle chaleur ont mes baisers. Depuis que nous nous sommes dit que nous nous aimions, tu te demandes d'où vient ma réserve à ajouter « pour toujours ». Pourquoi? C'est que je devine l'avenir, moi. C'est que, sans cesse, l'antithèse se dresse devant mes yeux. Je n'ai jamais vu un enfant sans penser qu'il deviendrait vieillard, ni un berceau sans songer à une tombe. La contemplation d'une femme nue me fait rêver à son squelette. C'est ce qui fait que les spectacles joyeux me rendent triste et que les spectacles tristes m'affectent peu. Tu crois que tu m'aimeras toujours, enfant, toujours. Quelle présomption dans une bouche humaine! Tu as aimé déjà, n'est-ce pas? Comme moi. Souviens-toi qu'autrefois aussi tu as dit « toujours ». Mais je te rudoie, je te chagrine. Tu sais que j'ai les caresses féroces. N'importe, j'aime mieux inquiéter ton bonheur maintenant que de l'exagérer froidement, comme ils font tous, pour que sa perte ensuite te fasse souffrir davantage. Qui sait, tu me remercieras peut-être plus tard d'avoir eu le courage de n'être pas plus tendre. Va, je t'aurais bien aimé avant que je ne t'aime plus. Moi, je te bénirai toujours. Ton image me restera tout imbibée de poésie et de tendresse, comme l'était hier la nuit dans la vapeur laiteuse de son brouillard argenté. Mille baisers, mille, partout, partout. France Culture. Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et oui, quand Flaubert parle d'amour, il est absolument honnête, c'est-à-dire aussi impitoyable. Merci à Bernard Gabay qui prête sa voix à celle de Flaubert cette semaine. C'est un travail faramineux, donc il en soit remercié. Il y a beaucoup de choses à commenter dans cette lettre, Pierre-Marc de Biasi. Peut-être ces formules, hein. Va, je t'aurais bien aimé avant que je ne t'aime plus. Ça fait 3 jours. C'est 3 jours. Oui, c'est invraisemblable. Non, mais quand on lit ça, on se dit, on s'est dit aussi qu'il est dans l'honnêteté la plus totale. Parce qu'il a été, et il est toujours, et c'est ce qu'il nous dit, totalement amoureux. Il est dans un état de désir physique permanent. Et c'est ce qu'il offusque complètement, parce qu'il se dit mais je peux pas continuer quand même à faire que ça. Il y a une sorte de contradiction qu'il anticipait et qui va au fond dans toute la période de relation avec Louise être la question, une sorte de concurrence entre cet amour et l'autre amour sacro-saint de sa vie qui est là, quoi. Et alors c'est vrai qu'il anticipe un petit peu le risque d'une femme boa qui serait autour de lui comme une sorte d'empêchement, de constriction, etc. Mais il y avait un peu de ça quand même aussi chez Louise, hein. Si on y regarde de près, le désir de Louise, c'était de se faire épouser, de se faire faire un enfant par Gustave. Elle était réellement amoureuse et elle avait envie de vivre avec lui, quoi. Et ça, là, vraiment, il n'en était pas question pour Gustave. Mais il est honnête avec elle dès le départ. En fait, on est partagé quand on lit ces lettres-là, parce qu'on se dit d'un côté, c'est les discours de quelqu'un qui veut garder son amoureuse en disant, mais de toute façon, c'est vous à l'échec, donc aimons-nous, mais je ne m'engage pas. Ouais. Ce qui est un discours assez courant, finalement. Mais là, c'est Flaubert, on sait ce qu'il va faire de ce refus-là. On se dit, ah oui, mais il est cohérent avec lui-même, au fond. Ouais. Il est honnête avec elle. Ouais. Ça n'a pas empêché Louise de beaucoup souffrir, quand même. Bah, c'est ça. Ouais. Donc après, voilà, on n'est pas là. Il n'y a pas de jugement dans la relation amoureuse. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment lui, d'emblée, a décidé que l'art allait gagner, en fait, sur l'amour. Mais, vous voyez, il y a eu des interprétations. Il y a encore des interprétations machistes de ça. Et là, je crois que c'est faux. Je pense que c'est véritablement... par précaution aussi, que très vite, immédiatement, dans la relation, il dit, je veux pas faire comme feraient les autres. Te tromper. Te laisser croire que, etc. Non. Il ne joue pas l'ascendant masculin du tout là-dessus. Non, d'ailleurs, très souvent, comme compliment qu'il fait à ses destinataires femmes, c'est de dire, on est amis, enfin, il leur parle comme à un homme. Oui, oui. Oui, et lui-même se traite de femme un peu hystérique. Donc, c'est compliqué la question du genre chez Flaubert. Dans les lettres, on le sent beaucoup. Ce qui est difficile de savoir, c'est dans quelle mesure est-ce que l'enthousiasme et la passion que l'on trouve dans sa correspondance dès qu'il parle d'art, par quoi est-ce que ces pulsions-là sont mues ? Est-ce que c'est, comme il le dit parfois, parce qu'il ne se sent pas... il ne sent pas en phase avec sa propre existence. Il le dit souvent. Il dit, pour moi, exister est une douleur. Vivement que ça cesse. Je me sens éteint à moi-même. C'est presque les mots qu'emploie Oblomov dans le roman de Goncharov, d'être à côté de sa propre existence. Et de l'autre, au contraire, pour avoir un tel enthousiasme, une telle passion à écrire, c'est qu'il est mu par quelque chose. C'est qu'il y a quand même un goût de quelque chose dans la vie. Ah oui, je crois que Flaubert est une des figures les plus nettes de ce qui s'invente, qui est la religion de l'art, tout simplement. C'est-à-dire que Dieu ayant un peu disparu de l'horizon, c'est l'art, et en l'occurrence l'art contemporain, l'art qu'il s'agit d'inventer, qui va prendre la place ontologique de Dieu. Hein, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est à la fois ce qu'il fait le plus jouir, pour tout dire, et ce qui, par rapport au néant du monde, lui paraît la seule réponse digne d'un homme, quoi. C'est-à-dire faire comme le Créateur. Voilà. Ça, il le dit explicitement. Oui, celui qui écrit doit être comme Dieu, au fond, l'univers. Ouais. Mais avec Louise Collet, dans ses premières années, là, les années 46-48, ce qu'il y a d'assez saisissant, c'est que il parle beaucoup littérature. Elle se fait corriger ses poèmes par Flaubert. Lui explique ce qu'il est en train de faire. Il va faire un voyage en Bretagne avec son copain du camp. Et il va partager beaucoup de choses de littérature, mais ils vont surtout avoir tous les deux des conversations sur tout. Hein, par exemple, il y a une chose tout à fait fascinante. On est en pleine période de colonisation de l'Algérie. C'est un moment où le gouvernement français donc a décidé de faire oublier les problèmes sociaux sur place en lançant des grandes opérations militaires sur le Maghreb. Et Louise Collet, qui est plutôt patriote, se dit c'est formidable. Donc elle envoie des mots à Flaubert en disant regarde, on vient de gagner une bataille contre les Arabes. C'est très embêtant, on vient de perdre une bataille. Et alors Flaubert, dans cette correspondance, nous montre une chose qui est exceptionnelle à son époque, c'est son point de vue littéralement anticolonialiste en 1846. Vous imaginez? Et il prend le parti d'Abdelkader. Elle vient de lui dire dans une lettre, là, c'est affreux, on a eu un échec en Algérie. Il lui répond, quant à l'idée de patrie, c'est-à-dire d'une certaine portion de terrain dessinée sur la carte et séparée des autres par une ligne rouge ou bleue, non. La patrie est pour moi le pays que j'aime, c'est-à-dire celui que je rêve, celui où je me trouve bien, et je ne me réjouis nullement de nos victoires sur les Arabes, parce que je m'attriste à leur revers. J'aime ce peuple âpre, persistant, vivace, qui, aux haltes de midi, couché à l'ombre sous le ventre de ses chamelles, raille en fumant son chibouk, notre brave civilisation qui en frémit de rage. Où suis-je, où vais-je? En Orient, le diable m'emporte. Adieu ma sultane. Ça, depuis toujours, il est fasciné par l'Orient. Il va aller voyager oui, deux ans. Voilà. Quand même, mais là, il le rêve, mais il le rêve, c'est très significatif quand même, parce qu'il est probablement un des seuls à son époque. Il le rêve en termes anticolonialistes. Et comment vous l'expliquez ça? Ah, je crois que c'est... Pour moi, de plus en plus, la lecture de la correspondance de Flaubert me fait penser qu'il y a quelque chose à côté de son œuvre littéraire qui relève de l'œuvre du penseur, peut-être même du philosophe. La mise en système d'un rapport d'examen du monde qui s'affranchisse des normes de l'époque, qui essaie de regarder les choses autrement. Et dans ce qui sera son voyage en Orient, on verra apparaître la définition d'un regard d'ethnologue, d'un regard neutre, qui se refuse à juger la culture de l'autre pour essayer de la comprendre dans son fonctionnement. Ben, je crois que c'est déjà quelque chose comme ça, là. C'est-à-dire que, il y a dans la correspondance une sorte d'espace d'écriture où Flaubert peut laisser libre cours à son opinion, mais aussi à sa façon de penser qui n'est pas, littéraire et fictionnel, qui est, ben, disons, philosophique, quoi. Il a une vision du monde, en tout cas. Voilà. Il cherche à construire une vision du monde. Dans cette vision du monde, très, très singulière, hein, vraiment très, très propre à sa réflexion, il y a notamment le fait que l'Occident n'a pas le privilège de la vérité ni de la norme, quoi. Et que c'est un grand lecteur des textes sur la religion, des textes philosophiques, des textes anciens, et c'est un homme de la culture du temps long. Donc on est dans l'invention du temps court, là. On commence à entrer dans cette société mécanisée et médiatique, hein, du journal, et lui prend ses distances, et ses distances lui permettent, par exemple, de ne pas coller à ce fantasme colonial. Il est très critique de la société dans laquelle il vit, très. De son pays. Alors, je ne sais pas si on peut dire antidémocratique, mais en tout cas très élitiste. Okay, il a un rapport il à la modernité et à la vulgarité qui est... Ben voilà, dans une autre lettre à Louise de 54, il lui dit « Gueulons donc contre les gants de bourre de soie, contre les fauteuils de bureau, contre le Macintosh. » Alors, Macintosh, c'est une espèce d'imperméable à l'époque. Contre les calefacteurs économiques, contre les fausses étoffes, contre le faux luxe, contre le faux orgueil, l'industrialisme a développé le lait dans des proportions gigantesques. Donc, on dirait que c'est un réac aujourd'hui. Bah, sauf qu'il est très en avance sur son temps. Hein. Il est en train de montrer que l'art industriel, ça va être un coup dur pour l'art, et que le plastoc, le plastique, tous les trucs de troisième zone, là, sont en train de remplacer la qualité que nous sommes en train d'essayer de réinventer aujourd'hui. Donc il faut imaginer que c'est quelqu'un qui vit le passage de la culture, disons, élitiste du début du 19e, à la culture de masse, des journaux à grand tirage. Quand Flaubert meurt, le Petit Parisien tire à 1 million d'exemplaires par jour, quoi. Et au début de sa vie, les journaux tiraient à 5 000. Alors comment va-t-il faire pour s'accommoder de ce dégoût, tout en continuant à proposer une œuvre qui, si elle veut être indépendante de l'époque dans laquelle il vit, n'en prend pas moins pour sujet ses contemporains? C'est le cas de Madame Bovary. Écoutez-le, essayez de justifier le projet qu'est le sien quand il commence à rédiger Madame Bovary, avec cette phrase qui est restée célèbre et qu'on a peut-être du mal à comprendre. « Je voudrais faire un livre sur rien ». Écoutez. Croisset, vendredi soir. Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, C'est un livre sur rien. Un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre, sans être soutenue, se tient en l'air. Un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. Plus l'expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît, plus c'est beau. Je crois que l'avenir de l'art est dans ses voies. C'est pour cela qu'il n'y a ni beau ni vilain sujet et qu'on pourrait presque établir comme axiome, en se posant au point de vue de l'art pur, qu'il n'y en a aucun, le style étant à lui tout seul une manière absolue de voir les choses. Il me faudrait tout un livre pour développer ce que je veux dire. J'écrirai sur tout cela dans ma vieillesse, quand je n'aurai rien de mieux à barbouiller. En attendant, je travaille à mon roman avec cœur. Les beaux temps de Saint-Antoine vont-ils revenir? Que le résultat soit autre, Seigneur de Dieu. Je vais lentement. En 4 jours, j'ai fait 5 pages, mais jusqu'à présent, je m'amuse. J'ai retrouvé ici de la sérénité. Il fait un temps affreux. La rivière a des allures d'océan. Pas un chat ne passe sous mes fenêtres. Je fais grand feu. Oui, je t'aime, ma pauvre Louise. Je voudrais que ta vie fût douce de toute façon et sablée, bordée de fleurs et de joie. J'aime ton beau et bon visage franc, la pression de ta main, le contact de ta peau sous mes lèvres. Si je suis dur pour toi, pense que c'est le contre-coup des tristesses, des nervosités âcres et des langueurs mortuaires qui me harcèlent ou me submergent. J'ai toujours au fond de moi comme l'arrière-saveur des mélancolies Moyen-Âge de mon pays. Ça sent le brouillard, la peste rapportée d'Orient. Et ça tombe de côté avec ses ciselures, ses vitraux et ses pignons de plomb, comme les vieilles maisons de Rouen. C'est dans cette niche que vous demeurez, ma belle. Il y a beaucoup de punaises. Grattez-vous. Encore un baiser sur ta bouche rose. À toi. Belle conclusion à une lettre d'amour. Il y a beaucoup de punaises, grattez-vous. Bah, ça semble lui plaire. Donc là, ils se sont retrouvés, on est en 1852. Et dans le paragraphe que vous avez entendu, qui a le début de cette lettre, je voudrais faire un livre sur rien, se trouve ce qu'on pourrait appeler une espèce de principe esthétique. C'est quoi alors? Est-ce qu'on parle de l'art pur, de l'art pour l'art? Comment est-ce que vous définissez ça, Pierre-Marie? Alors non, c'est pas l'art pour l'art, puisque le mouvement existait, c'était déjà formulé. Non, je pense qu'il invente véritablement ce qu'on va appeler aujourd'hui l'art conceptuel. Alors, sauf que... Moins il y a de choses, plus c'est beau, c'est l'assaisement. Il y a aucun doute là-dessus. Sauf que là où on s'est peut-être un petit peu trompé, c'est dans la formule un livre sur rien. Parce que ça a l'air de vouloir dire un livre sans sujet du tout. Il dit bien que le sujet, c'est, si on pouvait le rendre le plus invisible possible, ça serait parfait. Mais quand il dit, un livre sur rien, sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre, sans être soutenu, se tient en l'air, on voit bien que le livre sur rien, ça veut dire un livre un peu leibnizien, c'est-à-dire où le maximum de volume est contenu dans le minimum de surface, qui se tient comme une planète, se tient dans la force d'attraction universelle. C'est-à-dire, c'est l'autonomie, surtout, de l'œuvre. Le livre sur rien, c'est le livre qui ne repose sur rien d'autre que sur lui-même, c'est-à-dire qui est capable de formuler les normes même de son existence. Donc, il y a un côté lassisement, un côté conceptuel, qui fait qu'il va pouvoir dire, au fond, le sujet, on s'en fiche. Hein, comme dans le dictionnaire des idées reçues, il y aura Yvetot, voir Yvetot et mourir. Quoi. Voilà. Au fond, le livre de Bovary, c'est rien. Le sujet, c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est faire de ce pas grand-chose, autant que c'est possible, un chef-d'œuvre, c'est-à-dire quelque chose qui serait... Ce qu'on peut faire de plus intense dans la nouveauté de la forme romanesque qu'il s'agit d'inventer, ça va être le pari de cette écriture. Mais c'est étrange à comprendre ça, parce que de se dire que le sujet importe peu, qu'il est secondaire et qu'au fond, seul le style importe. C'est ce qu'il dit dans la lettre. Parce que dans Madame Bovary, il y a un sujet. Alors, on peut dire que c'est un petit sujet. C'est une histoire d'adultère dans une ville de province en Normandie. Okay. Oui, c'est quand même stéréotype. Oui, mais bon, toutes les histoires reposent sur des stéréotypes ou des choses qui ont été racontées depuis la nuit des temps, au fond. Et dans sa correspondance à Louise Collet, on trouve beaucoup de lettres aussi qui expliquent le mépris qu'il a pour ces gens ordinaires, pour la vie ordinaire en général. C'est pas juste un livre sur rien, au sens où le sujet serait complètement annexe. Il a quand même un compte à régler avec ses contemporains. Ce sont ceux en plus qui vivent à côté de lui en Normandie, qu'il connaît très bien. Il n'est pas détaché du sujet. Bah, si vous voulez, si vous regardez bien le destin littéraire de Flaubert, il va commencer par pour ce qui est des livres publiés de son vivant. Il va commencer par Madame Bovary, qui est un sujet contemporain et normand, pour passer ensuite à Salammbô, antique et épique. Puis de Salammbô, il va revenir à l'éducation sentimentale, c'est le contemporain et c'est la politique, c'est la révolution. Après l'éducation, ça sera La Tentation de Saint-Antoine. Qu'il a écrit en fait avant. Qui est le premier livre écrit, mais non publié. Mais qui s'inscrit dans ce cycle de, si vous voulez, d'ici maintenant, et de cette étape antérieure, antique et épique, qui est l'autre mouvement du balancier. Donc toute sa vie, au fond, il va osciller entre une écriture sur le présent immédiat en termes de roman d'amour pour Bovary, de roman politique pour l'éducation, de roman sur la bêtise avec Bovary Pécuchet, hein, où là aussi on sera dans le présent. Et puis ces grands pans d'épopées antiques que sont Salammbô, Hérodias. Oui, c'est ça, mais c'est là où il a l'expression un livre sur rien et dire que seul le style importe. Oui, mais c'est parce que la notion de style. Non, c'est parce que la notion de style, chez tel qu'il la pense, on peut en reparler avec la correspondance, parce qu'il l'a défini. Bah oui. Cette notion de style, elle est totalement intégrante de tout. C'est-à-dire de quoi? De ce sujet, enfin ce concept qu'il invente d'impersonnalité, qui est vraiment le nœud, disons, de toute son affaire, de la relativité des points de vue, de la forme non conclusive de son récit, du fait qu'un récit a pour but essentiellement de faire rêver. Donc, si vous voulez, le style, et même le style pour lui, c'est un style de vie. C'est sa façon à lui de tout sacrifier à cette écriture qui fait que cette écriture va devenir, pour le lecteur à son tour, une expérience existentielle fondamentale. C'est ça, il ne faut pas distinguer le style du sujet comme on distinguerait la forme du fond. Non, ah ben non. Quoi, vous savez, Hugo disait déjà, le fond, c'est ce qui revient à la surface du style. Hein. Donc c'est impossible de le distinguer. Et pour Flaubert, ça en devient même une affaire de moi. Et c'est précisément pourquoi il faut s'affranchir du moi, pour que le lecteur puisse y trouver toute sa place. Ah oui, il refuse absolument de mettre quoi que ce soit de lui-même dans son écriture. Sa personnalité doit être absente, ses opinions aussi, ses goûts également. Oui, mais c'est pas une soustraction non plus. C'est ça qu'il faut comprendre, qui est un peu mystérieux dans l'impersonnalité. Enfin, il n'est pas facile d'en faire le tour, parce que l'impersonnalité, ça consiste d'abord à refuser tous ces mensonges dont la littérature présente est faite, quoi. Et ce qu'il appelle il y a une très jolie formule, le pot de chambre romantique. Oui, la littérature n'est pas un déversoir à urine. Ah non, mais il faut lire quand même le... Où est-ce que j'ai fichu cette citation, elle est formidable. Je ne veux pas considérer l'art comme un déversoir à passion, comme un pot de chambre, un peu plus propre qu'une simple causerie, qu'une confidence. Non, la poésie ne doit pas être l'écume du cœur, cela n'est ni sérieux ni bien. La personnalité sentimentale sera ce qui plus tard fera passer pour puérile et un peu niaise une bonne partie de la littérature contemporaine. Que de sentiments, que de sentiments, que de tendresse, que de larmes. Il n'y aura jamais eu de si braves gens. Voilà. Donc ça le dégoûte profondément. Et l'impersonnalité, c'est avant tout l'expulsion de toutes ces formes en fait stéréotypées de présence de soi à soi. Hein, les larmes de Musset, tout ça. Il ne supporte plus ça. Donc il faut faire le nettoyage par le vide là-dessus. Pour donner à voir quoi? Eh bien, pour essayer de trouver une façon de rapport au réel qui ne cache rien de ce néant qui traverse le réel, de la bêtise qui est au cœur de notre langue, de tous ces phénomènes de, au fond, de répulsion, quoi, qui traversent notre expérience de la vie, parce que c'est la seule façon de pas y ajouter quelque chose de négatif, en donnant, au contraire, au temps, la saveur proustienne de quelque chose qui peut néanmoins être une réussite dans l'échec. Ouais. Vous diriez que c'est le rejet qui le fait écrire ? Oui. Le dégoût et le rejet d'une partie du réel. C'est l'échec, c'est ce que disait Lukács, hein, c'est-à-dire la dialectique d'une transformation de l'échec en valeur. D'accord, la vie c'est que ça, mais à l'intérieur de cette petite chose, pauvre chose, ou de cette médiocrité, il parle de médiocrité, hein. Quelque chose comme une belle sphère de sensation de vie peut se redéfinir, s'exaucer et devenir au fond comme un espoir, quoi. Mais ce qui est extraordinaire chez lui, c'est qu'il se formule ça très jeune, c'est-à-dire qu'il, comme si c'était un vieillard, comme si à la fin déjà de sa vie, il se disait mais au fond, oui, ça a été horrible, mais c'était ma vie. Alors, je pense que l'expérience de 44 a été décisive pour ça. Je pense qu'il a fait une expérience de donc sa crise de mort, ouais, immédiate, quoi. Et donc il a pris le champ par rapport à l'existence, et ça habite beaucoup son rapport au réel. Mais ça lui donne aussi l'occasion d'inventer une forme moderne du roman. Hein. Tu rentres de plus en plus tard ? Oui, je sais. Mais c'est bon signe. J'ai de plus en plus de malades. Tu dois être fatigué ? Un peu, oui. Rien mangé ? Je t'ai fait du bouilli. Oui, Anastasie. Il était tard. Je l'ai envoyé se coucher. Je veux pas la garder, Charles. Oh. Elle est trop vieille. Oh. À mesure que se serrait davantage l'intimité de leur vie, un détachement intérieur se faisait qui la déliait de lui. La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue. Il va pleuvoir. Et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Enfin, je crois. Pourquoi, mon Dieu, monsieur, je marie ? Vendredi soir, 11h. Ceci est probablement ma dernière lettre de Trouville. Nous serons dans 8 jours au Havre et le samedi à Croisset. Quel bosse de travail je vais me donner une fois rentré. Cette vacance ne m'aura pas été inutile. Elle m'a rafraîchi. Depuis 2 ans, je n'avais guère pris l'air. J'en avais besoin. Et puis, je me suis un peu retrempé dans la contemplation des flots, de l'herbe et du feuillage. Écrivain que nous sommes et toujours courbés sur l'art, nous n'avons guère avec la nature que des communications imaginatives. Il faut quelquefois regarder la lune ou le soleil en face. Ne rien écrire et rêver de belles œuvres, comme je fais maintenant, est une charmante chose. Mais comme on paie cher plus tard ces voluptueuses ambitions-là. Quel renfoncement. Je devrais être sage, mais rien ne me corrigera. La Bovary, qui aura été pour moi un exercice excellent, me sera peut-être funeste ensuite comme réaction, car j'en aurai pris un dégoût extrême des sujets à milieu commun. C'est pour cela que j'ai tant de mal à l'écrire, ce livre. Il me faut de grands efforts pour m'imaginer mes personnages et puis pour les faire parler, car ils me répugnent profondément. Mais quand j'écris quelque chose de mes entrailles, ça va vite. Cependant, voilà le péril. Lorsqu'on écrit quelque chose de soi, la phrase peut être bonne par jet, et les esprits lyriques arrivent à l'effet facilement et en suivant leur pente naturelle. Mais l'ensemble manque. Les répétitions abondent, les redites, les lieux communs, les locutions banales. Quand on écrit au contraire une chose imaginée, comme tout doit alors découler de la conception et que la moindre virgule dépend du plan général, l'attention se bifurque. Il faut à la fois ne pas perdre l'horizon de vue et regarder à ses pieds. Le détail est atroce, surtout lorsqu'on aime le détail comme moi. Les perles composent le collier, mais c'est le fil qui fait le collier. Or enfiler les perles sans en perdre une seule et toujours tenir son fil de l'autre main, voilà la malice. Bonsoir. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. C'est dans la lettre du 26 août 1853 à Louise Collet que l'on trouve l'énoncé de ce qu'on peut appeler le principe d'impersonnalité, Pierre-Marc de Biasi, qu'on a rapidement évoqué, qui est ici énoncé avec précision. C'est une position qui peut paraître intenable et beaucoup d'écrivains disent qu'il leur est impossible de lire Flaubert tout en écrivant, tellement l'exigence qu'est la sienne semble rendre impossible toute tentative d'écriture, au fond parce qu'il nous demande, il demande à celui qui écrit, et donc en premier à lui-même, de se défaire totalement de son moi, de ses sentiments, de ses opinions, autrement dit, de tuer l'auteur qu'il y a en lui, avec sa personnalité. Comment lui en arrive-t-il à cette conclusion ? Je crois que c'est pas exactement ça. C'est pas tuer sa personnalité, c'est, comme au jeu de Go, laisser l'ouverture d'une case libre pour le lecteur. Oui. Pour Flaubert, écrire, avec les nouveaux objectifs qu'il se donne, c'est rien moins que un écrivain digne de ce nom écrit pour aussi longtemps que la langue vivra. Et pas pour ses contemporains du tout. Il écrit pour les générations futures. Voilà. Et donc il faut que dans le livre, il dit ailleurs, comment faire pour pas passer plus tard pour un imbécile, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se défaire de tout ce qui représente l'effet de mode, l'effet d'immédiat, le rapport non médiatisé au présent, au fantasme, au stéréotype, aux bêtises du jour. Mais se défaire de cela, ça sert à quoi ? Dans la fiction, ça sert à se dépersonnaliser pour entrer dans la peau des personnages. C'est-à-dire qu'au fond, les moments de plus grande jouissance pour Flaubert, ce sont ceux où, il le dit dans une lettre à Louise d'ailleurs, où il peut être à la fois les chevaux, la forêt, le ciel qui est en train de faire un coucher de soleil, et Emma qui vient de se faire... prendre par Rodolphe. Enfin, c'est ce qu'il appelle c'est ce qu'on a appelé le panthéisme de Flaubert. Oui, c'est cette illusion d'écriture qui lui permet de l'intérieur de faire l'expérience de ce qu'il raconte, quoi. Et par conséquent, l'impersonnalité, c'est une dissémination du moi. C'est pas son abolition, c'est l'annulation de moi, Gustave Flaubert, au profit de qu'est-ce que je ressens si je suis Emma ? Qu'est-ce que je ressens si je suis un cheval ? Mais c'est pas une illusion de penser pouvoir se défaire complètement de son moi pour devenir Emma ? Il appelle ça une illusion. Mais une illusion au sens actif du terme. C'est-à-dire... Il la revendique. Il la revendique en tant que méthode, que procédé. Il est capable quand même de se faire vomir quand il écrit le moment où Emma se suicide, quoi. À l'aval de l'arsenic, le soir, il vomit. Oui, il fait l'indigestion. Donc, la dépersonnalisation et la dissémination du moi dans ces personnages, c'est véritablement une expérience existentielle qu'il fait dans l'écriture. Je pense que c'est avant tout, évidemment, un réflexe romantique, anti-romantique, anti-Musset, anti-pot de chambre romantique. Mais, c'est aussi quand même quelque chose qui affecte tout de suite la structure de récit. C'est-à-dire que pour pouvoir le faire, il faut avoir une vision très claire de ce qu'on veut écrire. Donc il faut un scénario très précis. Il faut... Alors voilà, comment procède-t-il quand il s'attelle à un roman ? On peut le dire aujourd'hui, parce qu'on a pu, grâce au manuscrit, reconstituer aux chronologies et à la correspondance, notamment à celle de Colère, reconstituer le schéma. Le secret de Flaubert, c'est de commencer par ne pas écrire. Il commence par se coucher, fermer les yeux. Sur le dos. Rêvasser, c'est son terme, à son sujet. Et il se projette un film interne. On appelle ça comme ça aujourd'hui. Une sorte de rêverie dirigée, si vous voulez, mais en images. Et une fois qu'il a pu enchaîner assez de séquences pour que ça constitue un morceau de récit, il se précipite sur du papier, il prend en note une sorte de, comment dire, de style télégraphique résumant des... Un scénario, quoi. Un scénario, des syntagmes d'images, mais pas très facile à comprendre si on le lit tel quel brut, parce que ce sont des noyaux d'images. À partir de ces noyaux d'images, quand il va se mettre à la première rédaction, il va développer du scénario développé. C'est-à-dire qu'on va voir à toute vitesse se développer énormément ces noyaux d'images qui sont, au fond, la trace d'un rêve, quoi. Et la rédaction va consister ensuite à aller jusqu'au bout de ce développement, puis à resserrer. C'est-à-dire que sur la base de ce qui serait une page de scénario initial, on va avoir 20 pages de développement rédactionnel. Mais ces 20 pages vont ensuite être réduites à 12 ou 11. C'est-à-dire qu'il va y avoir quasiment 40% de la matière textuelle qui va être virée ensuite. Mais il y a tout un travail de documentation aussi. Ah ben il y a un énorme travail de documentation. Il va sur place, il va voir les hôpitaux, il va voir pour l'opération du pied beau dans Madame Bovary, il va assister à une opération. Tout ça s'ajoute, si vous voulez, au travail de réflexion dont je viens de parler. Mais je dirais que une fois qu'il a accumulé tout ce qu'il lui fallait comme matériaux, qu'il a vu les endroits par lesquels il voulait faire passer ses personnages, en gros ça se passe comme ça, c'est-à-dire un rêve, une scription de rêve, un redéveloppement de ce rêve et une rédaction qui a pour fonction d'en revenir à ce qui serait, si vous voulez, pour moi, le texte final de Flaubert, c'est une partition. C'est-à-dire qu'il la veut comme une partition qui serait offerte au lecteur pour que le lecteur puisse refaire la même expérience fantasmatique que celle qu'il a faite en inventant son histoire. Vous voyez ? Donc ça veut dire quelque chose quand même de très net, hein, qui correspond à ce qu'on entend en art moderne comme une des fonctions de l'art, c'est-à-dire c'est de mettre le récepteur en situation de créateur, tout simplement. Ne pas déclamer, ne pas dire aux gens ce qu'ils doivent penser de ce qu'ils sont en train de se dire, mais leur donner l'occasion de l'inventer, à travers des mots qui sont aussi neutres que possible, qui sont aussi peu engagé dans la personnalité de l'auteur que possible, de façon à ce que le lecteur soit aux situations de commande. Ça, c'est ce qu'on trouve dans l'art contemporain aujourd'hui. Ouais. Bah oui, c'est pour ça que Flaubert en serait le précurseur. Bah, écoutez, vous avez vu qu'il définissait en gros l'art conceptuel. Hein. Moi, il y a de matière, plus c'est beau. Un sujet sur rien, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le créateur se dissémine dans son œuvre pour laisser le moins possible passer la parole de la bêtise et laisser le récepteur de demain être capable de faire de cette œuvre son œuvre. Avec cette phrase qui est extraordinaire aussi et qui peut résumer son travail, c'est de dire que la bêtise consiste à vouloir conclure au fond. Il ne faut jamais conclure. Voilà, ça c'est fondamental. L'impersonnalité est complètement liée à deux choses. La syntagmatique scénaristique du récit, et puis la forme non conclusive du récit. C'est-à-dire si je vous demandais de résumer au fond le sens de Madame Bovary, vous ne pourriez pas, parce que le sens est totalement dans le tissu même de son expression. Non, mais on peut plus le faire pour l'éducation sentimentale. On peut dire que c'est une certaine génération quand même. Dans l'éducation sentimentale, c'est encore pire dans l'éducation sentimentale, parce qu'il est allé plus loin que Madame Bovary. Il a encore perfectionné son système. Et il a réfléchi sur la politique, il réfléchit sur le point de vue. Et il est capable, dans l'éducation, de mettre le même événement en scène du point de vue de l'ouvrier, du point de vue du petit bourgeois, du point de vue du banquier. Et vous savez pas que c'est le même événement, parce que c'est pas du tout le même événement à voir. Et pourtant, c'est le même événement. Et il ne dit pas que l'un a raison ou l'autre a tort. À savoir la révolution de 48. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois que cette logique qui va vers la multiplication des points de vue, c'est ce que vous appeliez la logique non conclusive, qui est au cœur de l'impersonnalité. On ne peut pas conclure, parce que conclure, c'est vouloir arrêter l'histoire, tout simplement. Et l'histoire n'arrête pas. Oui, comme cette émission d'ailleurs, on ne conclut pas et on ne s'arrête pas. Mais quand même, un dernier mot qui ne sera pas conclusif sur la correspondance qui est l'occasion donc de ces discussions ce matin et cette semaine. Est-ce que vous considérez la correspondance de Flaubert comme une œuvre à part entière? Ah, je crois que c'est même aujourd'hui une œuvre à part entière qu'on doit relire d'une façon nouvelle. C'est-à-dire, non seulement c'est ce par quoi Flaubert a probablement acquis ce statut de père du roman contemporain, mais c'est aujourd'hui ce par quoi on s'aperçoit que son œuvre est aussi une œuvre de philosophe ou de penseur, au sens un peu nietzschéen du terme, qui met à l'épreuve, au fond, tous les regards que son temps pouvait porter sur le futur, sur le présent, pour proposer quelque chose qu'il faut bien dire donne à Flaubert la figure d'un prophète, hein. Un prophète sur l'écologie, bien sûr, sur l'ethnologie, sur la géopolitique. Vous imaginez qu'il a quand même à peu près prévu le terrorisme islamiste, hein. Oui, tout à fait. Au moment de la guerre, que les Anglais en Orient avaient déclenché, oui, il dit il faut agir tout de suite, sinon dans un siècle et demi, on aura des fanatiques qui viendront nous poser des bombes, quoi. Voilà, hein, si on le fait pas aujourd'hui. Il est attentif à l'écologie d'une façon très étrange pour son temps. Il fait la critique, par exemple, de l'élevage industriel des animaux, hein, qui commence. Il est dans une géopolitique où il semble que le colonialisme est une erreur historique. Bah, bref, si vous voulez, si vous prenez la correspondance thématiquement, vous avez à côté de l'œuvre littéraire, à côté de l'œuvre de chercheurs aussi qui existe dans les manuscrits de Flaubert, une sorte d'œuvre de penseur, de philosophe qui, d'une façon très moderne et très très surprenante, interroge son temps et le futur. Il prévoit aussi la victoire probable de ce qu'on appellera les bolcheviks, de la Troisième Internationale. Voilà. En plus d'être prophète, il est un prosateur hors pair, ça on le savait, mais aussi dans sa correspondance. Mais alors par quoi, là vraiment tout dernier mot, qu'est-ce qu'on lit dans la correspondance de Flaubert? Il y a tellement d'éditions, les éditions du... chez Le Passeur, on trouve beaucoup de correspondances de Flaubert qui sont éditées. On a les lettres à Louise Collet qui sont dans la petite bibliothèque Rivage Poche. On a la biographie de Flaubert en folio. Moi j'ai lu les correspondances de Flaubert, non pas en Pléiade, elles sont disponibles, comme d'ailleurs les derniers tomes des œuvres complètes de Flaubert, hein, qui viennent de paraître en Pléiade, mais en folio. On a une correspondance de Flaubert, c'est un choix une sélection des 4000 lettres faites par Bernard Masson. Est-ce que vous en recommandez la lecture, Pierre? Oui, c'est une très bonne édition, parce qu'elle est, évidemment, elle n'est pas complète du tout, mais elle est substantielle, et Bernard Masson a voulu justement qu'il y ait autant de lettres amoureuses que de lettres littéraires, que de lettres sur le présent, historique, etc. Et de mon côté, je prépare une édition au livre de poche pour qui sera plus orienté sur l'invention littéraire et sur ce que la correspondance nous donne à comprendre du journal de créateurs que tenait Flaubert au jour le jour avec ses correspondants. Eh bien, on a hâte de vous lire, Pierre-Marc de Bibiasi. Merci beaucoup. Merci. De nous avoir parlé de la correspondance de Flaubert avec Louise Collet ce matin. On se quitte avec un chant de Gluck, Iphigénie en Olyde. Flaubert aurait assisté à une représentation de ce chant, chanté par la Viardot, avec qui il était ami, la cantatrice. La voici. Bon, évidemment, c'est pas la Viardot elle-même, on n'a pas d'enregistrement, mais c'est, voilà, Iphigénie en Olyde de Gluck. On mettra les références en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Il est temps, sur France Culture, d'accueillir la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je vous demande encore un peu de pratique. Bonjour, cher Aurélien. Bonjour, chère Adèle. Alors, votre question ce matin est la suivante. Qu'est-ce que le premier degré? Eh oui, je voudrais exhumer une guerre culturelle que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître et que les plus de 40 ans ont largement ignorée d'ailleurs. Une guerre culturelle invisible, la bataille du second degré. Revenons 30 ans en arrière. Important largement un type d'humour propre au Late Show américain, les nuls règnent sur le rire hexagonal. Mais en fait, non, pas du tout, car je réécris l'histoire du point de vue du vainqueur. C'est Pierre Palmade et Muriel Robin qui triomphent alors. Les nuls, c'est l'esprit canal, une enclave appelée à triompher, mais qui n'est encore qu'une niche. Alors attention Aurélien, on entend votre micro qui frotte sur votre joue, je le dis pour les auditeurs. Et je vous pose la question suivante, quelle est la nature de cet humour de niche dont vous parlez? Bah, c'est quelque chose qu'on peinerait à conceptualiser, mais qu'on appelle le cool, et que ses adversaires nommeront la dictature du cool. Les anciens fans de Nirvana s'en souviennent peut-être, quand il est soudain devenu cool de ne plus l'être vraiment, le cool, on le voit, est par essence dialectique. Et il fait, ces années-là, je pense à l'une des premières nouvelles de David Foster Wallace, une sorte de pamphlet en forme de ready-made contre David Letterman, l'empereur des Late Show. Le cool fait donc l'objet d'attaques littéraires. Et pourtant, Foster Wallace est le grand représentant du cool dans les années 90. Il condamne pourtant l'ironie et lui préfère même, dans un autre grand texte de jeunesse, l'authenticité d'un groupe de paroles chrétiens des alcooliques anonymes. Bon, bien sûr, la télévision française n'en est pas encore là. Ce qui triomphe encore à la fin du siècle dernier, c'est bien le second degré. Et alors, est-ce qu'on peut dire ce que le second degré fait alors à l'humour ? Bah, il le transforme en quelque chose d'un peu byzantin. Cela donne ce type d'humour si particulier à cette époque un peu décadente qui consiste à ne pas être spécialement drôle, mais de façon aussi volontaire que peut-être paresseuse. Plus c'est raté, meilleur ce sera. L'ironie sera devenue le moteur principal de l'humour. Prenons les successeurs des nuls, les héritiers du fameux esprit canal une demi-génération plus tard. Entre les jeux de mots un peu laborieux du premier Jamel, le Raymond DeVos des postmodernes si on veut, et les gags volontairement ratés des Robin des Bois, l'humour n'est plus qu'un signifiant vide. On rit du fait qu'on pourrait être drôle, mais qu'on n'aura pas la vulgarité de l'être vraiment. La parodie triomphe, et on parodie jusqu'au concept de sketch, ce qui donne cet objet un peu tragique, le sketch sans chute, la comédie où tout tombe à plat. Je connais des gens qui tiennent ainsi la tour Montparnasse infernale d'Éric et Ramzy pour un film culte, alors que j'en ai au mieux des sueurs froides d'angoisse à force de ne pas rire. Mais j'ai vu, il y a une dizaine d'années, le premier degré enfin réapparaître. Alors justement, qu'est-ce que c'est le premier degré ? C'était votre question initiale. Exactement. Le premier degré, c'est Vita, la plus grande voix du R&B français. Le R&B français, genre un peu maudit, mais que j'ai fini par découvrir un jour où ma voisine organisait un karaoké. Je n'avais jamais entendu ça, des chansons absolument littérales. Mais pas littérales, comme ces parodies encore de George Michael qui tente de rejoindre les images du Kitschissime clip de Last Christmas. Bien plus littérales que ça, affreusement authentique, ainsi de l'ouverture de son génial duo avec Diams. Ouais, c'est qui là? Mel, Sévie, ouvre-moi, ça va, vie, t'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, non. Et ça continue comme ça pendant toute la chanson, pendant plusieurs minutes. Rien ne nous sera épargné du drame conjugal que traverse Vita. Et ce soir-là, moi, l'ironiste, l'ancien adolescent des années 90, j'en suis resté bouche bée, terrassé par le génie de Vita qui me parlait depuis une dimension artistique que par snobisme j'avais oublié depuis longtemps de la réalité elle-même, sobre et implacable. En termes de révolution artistique, je mets dorénavant Vita au même niveau que l'Olympia de Manet, sauf que cette fois ce sont les sentiments qui sont nus. Merci Aurélien, vous fera suivre le courrier des auditeurs qui ne manqueront pas de réagir à votre chronique qu'on mettra en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Merci beaucoup. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier avec Manon Delasselle, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions, à la prise de son Clément Daté, à la lecture des textes Bernard Gabet. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour des correspondances de Flaubert. On sera en compagnie de Thierry Poyet et on commentera les lettres à George Sand qui lui a dit « Tu aimes trop la littérature, elle te tuera ». D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission. Et surtout, restez à l'écoute sur France Culture.